Le premier mot sera pour ma famille. Mes potes qui back chaque crime, ceux à qui je fais vivre l'enfer, mais me souhaitent quand même le paradis. C'est pour mon papa qui me soutient, il me soutiendra toujours, qui m'a appris. Tu peux devenir un homme même si t'as pas de fric. C'est pour le coup, frère, blesse tous mes gars de Paris. Ceux avec qui je refais le monde autour d'une bouteille à bas prix. C'est pour mes proches déjà partis, qui me rappellent que j'ai de la chance de respirer encore les fois où j'en ai marre de la vie. C'est pour tous ceux qui me traitent de Polak, je lève mon verre de Polyakov. Pour mes frères de Bozak, Itzo et tous les autres. C'est pour toutes ces fautes qu'on commet, qui nous rappellent qu'on est pas toujours fier de nos actes. C'est pour Hervé, tous ces soirs à se massacrer la gueule, tous nos lendemains de cuite qui avaient un goût de paracétamol. C'est pour mes lascar, mes sales crunes qui à défaut de vivre d'amour et d'eau fraîche se contentent de vivre de castagne et d'alcool. À travers cet album, je raconte mes doutes, mes colères, tous ces moments où le blues me polait. Bordel, ça me saoule, déconnecte de ce con. À défaut de pouvoir te faire le tour de ce monde, je t'invite à faire le tour de mes problèmes. J'sais c'est con mais laisse-moi vivre, le rap ça paye pas. Tant pis, laisse-moi faire mes concerts dans mes sèches, décompresse. Tant pis, si j'suis pas le best du rap, tant que mes potes me suivent et que j'suis la fierté de mon frère. D'ailleurs, c'est pour Dylan, Mounir, Krawax, Nasser, ceux qui m'aident à retrouver la raison chaque fois que j'la perds. C'est pour Liam, moi, elle, tous ceux que j'vois moi, mais qui seront là pour moi si un de mes proches les fracasse par terre. J'oublie pas les mecs, faudrait plus souvent que j'parle à ma mère, que j'lui dise que j'l'aime et pas que j'oublie qu'elle était là quand rien ne marchait. Et comme dirait Bleu Beat, si cet été j'vais pas voir la mer, j'en profiterai pour prendre soin de la mienne. Je veux m'évader, mais j'ai pas les sous. Le rap c'est bien, mais faut que je trouve un plan B comme le PKP Crew. C'est pour mon soldat Chris Man, avec qui j'ai rappé sous vodka. Sans mes frères, dis-moi, je vais aller où, hein. J'ai taffé pour en arriver là. C'est pour chaque souvenir, gravé à jamais dans ma petite mémoire. Et puis tu sais quoi, doute même pas de ma sincérité. Je rappe avec le cœur, dans chaque titre c'est le cas. C'est pour mon SCP, c'est pour mon SCP, yeah. Chaque membre qui me prouve qu'on est plus qu'une équipe. Je suis fier d'avancer avec vous, fier d'avancer avec vous les mecs. C'est à vos côtés que mon futur s'écrit. L'insensé, c'est bien plus qu'un pote qui me back sur scène. Si ça marche pour moi, ça marche pour toi et ça tu le sais. Qu'il y ait ou pas le succès, c'est la même. C'est pour Omara, qui m'a appris ce que c'est qu'une femme, une vraie. C'est pour ceux qui donnent de la force à mon projet, les jaloux qui souhaiteraient que ma mort soit longue. C'est pour les abîmés, pendant que tu punks le soleil tape fort, tape fort. J'pense à Nadir qui dort à l'ombre et j'ai le cœur pas la frais. Celle-là c'est pour le hic et ce genre d'amitié qui ne peut pas s'acheter. T'es mon premier fan, j'oublie pas que quand je faisais de la merde, toi tu me disais de ne pas lâcher. Ça fait 2-3 années qu'on se voit moins, mais casse, tu restes mon collègue, mon gars sûr. Et ça, moi je veux pas que ça change. Nostalgique de nos débuts, de nos premiers sons, nos barres de rire et des plates pas de ta maman. C'est pour mon trait sarcastique, tous les vrais gars, ceux sans qui je ferais pas de classique. Je répète, c'est pour mon trait sarcastique, les diplômés et ceux dans l'ombre qui vendent la drogue dans les sacs plastiques. Yeah, Rootscore, ouais. C'est pour Irza, le chat, Hématome, Azedi, la classique, les gars de Toulouse, les Boissons, Walid, Léo Trim, Denis, Cindy, les gens présents, Kessa, tonton Bruno, ma grand-mère que j'aime, tous les beatmakers présents sur l'album. C'est pour ceux que j'oublie quand je fais ces textes, je lève mon verre à ceux que j'aime et j'emmerde le reste.